Oh, put your hands together for the Lord. Aujourd'hui, nous sommes en Afrique. Amen. Powerful. La chorale, dépêchez-vous de vous asseoir. Amen. Nous sommes vraiment bénis ce matin d'être dans la présence de Dieu. Amen. Et nous allons passer à la communion, à la Sainte Cène. Amen. Donc, nous sommes dans la joie, mais nous sommes toujours dans la présence de Dieu. Alléluia. Et nous allons maintenant prendre une petite pause pour un peu réfléchir, voir si vraiment nous avons mené une vie qui est digne, amen, du Seigneur. Le chant disait quoi? Merci Seigneur, c'est ça? Dawasi. C'est comme le tui, n'est-ce pas? Ok, donc Dieu est bon, il est fidèle, il reste toujours fidèle. Il a gardé sa parole. Est-ce que nous avons aussi gardé notre parole? Nous avons dit, Seigneur, nous t'aimons, nous voulons te servir, nous voulons te servir, bénir avec nos vies. Mais est-ce que vraiment nos vies ont montré cette déclaration que nous avons faite? Souvent, c'est difficile de dire que oui, Seigneur, nous avons servi, nous avons fait ce que nous devions faire. Et ça pèse parfois sur nous. Mais la Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous les pardonner. La Bible dit qu'il y a, donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc ce matin, nous voulons passer à la table, pas sous condamnation, mais en sachant que l'amour de Dieu est suffisant. Amen. J'aimerais que tout un chacun prenne le temps de parler à Dieu ce matin, de juste confesser ses péchés. Parce que la Bible dit que si nous disons que nous sommes sans péché, nous sommes menteurs. Amen. Donc, nous avons tous péché. Donc, ce matin, prenez le temps, ou prenons le temps de juste réfléchir et dire au Seigneur, Seigneur, merci pour ton amour et merci pour ton pardon. Nous avons essayé, mais nous n'avons pas réussi. Nous n'avons pas gardé notre parole envers toi. Certains ont tombé, certains ont fait des mauvaises choses, certains ont même nié Jésus. Mais ce matin, il est fidèle et juste de nous pardonner de tout péché. Prenez le temps de fermer les yeux et de contempler, de réfléchir, de méditer et de dire au Seigneur combien vous l'aimez et combien vous êtes reconnaissant pour son amour. Avant de passer à la table, demandez au Seigneur de vous pardonner, de vous laver. Si par la grâce vous êtes sans péché, louez Dieu et bénissez son nom. Amen. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Pardonne-nous, Seigneur. Et conduis-moi sur la voie. Pardonne-moi, Seigneur. Tout ce que j'ai fait, Seigneur, je voulais pas. Nice. Seigneur, ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, il prit la coupe aussi après le souper en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous la boirez en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez la coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ainsi, quiconque mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable à l'égard du corps et du sang du Seigneur. Mais que chacun s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et qui boit mange et boit en jugement contre lui-même, ne distinguant pas le corps. Seigneur, ce matin, nous te présentons ces éléments, le pain qui représente ton corps qui a été brisé pour nous. Seigneur, nous présentons le vin qui représente ton sang, le sang qui a été versé pour nous racheter, pour nous laver, pour nous purifier, pour nous guérir. Seigneur, bénis le pain et le vin. Que chacun qui participe ce matin aux éléments retrouve ta grâce, retrouve la force, retrouve, Seigneur, ton amour et ton pardon. Seigneur, que ceux qui sont malades retrouvent la santé, qu'ils soient guéris au nom de Jésus. Que ceux qui sont opprimés sois libéré ce matin. Seigneur, merci pour ton sacrifice grâce auquel nous sommes sauvés ce matin. Seigneur, bénis-nous alors que nous participons. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Je vais demander aux frères de circuler avec les éléments et vous allez vous servir, mais ne mangez pas et ne buvez pas jusqu'à ce que tout le monde soit servi. pain et, ayant rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Prenons le pain, disons ensemble, le corps de Christ. Ayant pris la coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour plusieurs en rémission des péchés. » Disons ensemble, « Le sang de Jésus. » Le sang de Jésus. Seigneur, merci encore pour ton sacrifice, pour ton sang qui a été versé, pour le salut et pour le pardon. Nous recevons, Seigneur, la force et la grâce. Nous recevons, Seigneur, ton pardon et ton amour. Nous te bénissons et nous te disons merci. Au nom de Jésus. Amen. Fils de Dieu, écoutez sa parole, rassemblez-vous autour. Recevoir maintenant le frère Jean-Philippe qui va nous bénir avec un chant. Alléluia. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. De sa vie innocente, il cède pour mourir sur les femmes bois. Attaché Jésus. Amen. Amen. Ésaïe 40, verset 31. Ésaïe 40, 31. Combien de personnes ici se sont déjà, une fois dans leur vie chrétienne, se sont senties faibles et se demandent si vraiment tu as la force de continuer? Qui s'est déjà senti inutile et à bout des forces? Ok. Powerful. Donc, vous êtes en bonne compagnie. Amen. Et ce matin, le message est pour toi. Je vais essayer de vous donner quelques principes pour devenir et rester fort. Amen. Ésaïe 40, le verset 31. Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvelleront leur force. Ils s'élèveront avec des ailes, comme des aigles. Ils courront et ne se fatigueront pas. Combien de personnes ici se sont senties fatiguées dans leur marche chrétienne avec le Seigneur? Amen. Ils marcheront et ne se lasseront pas. Amen. Ceux qui s'attendent à l'Éternel, ou ceux qui espèrent en l'Éternel. Amen. Si vous êtes faible, votre force se trouve dans l'Éternel. Amen. Votre force se trouve où? Dans l'Éternel. Pas dans une bouteille de whisky. Pas dans votre compte en banque. Parce que beaucoup se sentent faibles lorsqu'ils sont fauchés. Quand le Western est en retard, vous êtes faible. N'est-ce pas? Quand les parents n'envoient pas l'argent, vous vous sentez faible. Mais votre force ne se trouve pas, ne doit pas se trouver dans votre compte en banque. Amen. Votre force ne doit pas se trouver dans vos parents. Parce que ce sont des êtres humains. Amen. Votre force ne doit pas se trouver dans votre relation avec votre petit ami. Le jour où il dit qu'il s'en va, vous êtes faible. Vous vous affaiblissez. Non. Votre force se trouve dans l'Éternel. Amen. Ce n'est pas quand vous échouez aux examens que vous devez être faible. Alléluia. Ou quand vous réussissez, que vous êtes fort. Amen. Votre force se retrouve ou se trouve dans le Seigneur. Amen. Ceux qui s'attendent à l'Éternel renouveleront. Amen. Aujourd'hui, vous pouvez vous sentir faible. Amen. Ça ne veut pas dire que c'est... Alléluia. Il y a encore l'espoir. Vous pouvez renouveler. Renouveler, ça veut dire quoi? Hein? What again? Ok, let me come closer. Renouveler, vous m'aidez avec mon français, pourquoi? Restaurer votre force. Amen. Vous pouvez donner une nouvelle vie à votre force. Rebâtir votre force. Régénérer votre force. Réactiver votre force. Recharger votre force. Amen. Donc aujourd'hui, vous vous sentez fatigué, délaissé. Is it a word? Lass. Is it a word? Lassé. Are they all words? Découragé. Abattu. La Bible dit que vous pouvez renouveler, recharger votre batterie. Amen. Anatole, it is possible. C'est possible de recharger la batterie qui est presque à plat. C'est renouvelable. Amen. Il ne faut pas jeter la batterie. Orphée, il ne faut pas jeter. Il faut recharger. Vous branchez. Quand vous avez un portable et la batterie est à plat, est-ce que vous jetez votre portable? vous cherchez l'argent pour acheter la nouvelle batterie, quelle est votre première réaction? Vous cherchez quoi? Le chargeur. Et quand vous avez trouvé le chargeur, vous faites quoi avec? Vous regardez le chargeur. Vous mettez ça sur l'étagère à la maison. Qu'est-ce que vous faites? Vous branchez où? Dans la baignoire. Vous branchez ça où? Dans l'évier. Dans une prise électrique. Pourquoi? Afin d'avoir l'énergie. Power. Le courant. Amen. À quoi ça sert avoir la batterie et le téléphone sans courant? Il y a light off. Depuis une semaine, et tu as ta nouvelle BlackBerry, iPhone 4S. Il n'y a pas de courant depuis 4 jours, depuis 5 jours, une semaine. Qu'est-ce que vous allez faire? Juste regardez votre BlackBerry, vous allez la mettre sur l'étagère. Vous allez chez le voisin. Pourquoi? Parce qu'il a le courant. Donc vous allez chercher le courant pour renouveler de power. Amen. Alors vous êtes faible. Vous êtes découragé, abattu. Pourquoi vous restez chez vous? Vous couvrez votre tête avec le drap. Vous êtes découragé, abattu. Et vous n'allez pas chercher le courant. Amen. Parce que c'est en vous branchant au courant que vous allez recharger votre batterie. Amen. Ceux qui s'attendent ou se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Renouvelez votre force. Amen. Il ne faut pas être découragé. Vous pouvez être découragé. Oui, les batteries, parfois, sont à plat. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut jeter la batterie ou jeter le téléphone. Il suffit seulement de chercher the power. Dites the power. Et votre power se trouve en l'Éternel. Amen. Hallelujah. Votre power se trouve en l'Éternel. Votre power se trouve en l'Éternel. Ici dit. Et le power ne coûte pas. Amen. Il suffit seulement de brancher, d'attendre, d'espérer, d'être connecté. Parce que parfois, il y a le courant. Vous avez le chargeur. Vous avez le téléphone. Et votre batterie est à plat. Si quelqu'un venait à la maison et dit, oh mais j'ai essayé de te contacter, ton téléphone ne marche pas. Il dit, oui, la batterie est à plat. Et pourquoi tu ne charges pas? Parce que c'est à plat. Pourquoi vous êtes découragé? Parce que je suis découragé. Parce qu'il y a pas de, je n'ai pas d'argent. Les cours ont commencé et je n'ai pas encore payé. Ça a commencé il y a 2 semaines. Je rate beaucoup. Je suis découragé. Et vous restez à la maison découragé. Et pourtant, ICG est connecté. La batterie est là. Le téléphone est là. Le chargeur est là. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour être connecté. Amen. Ça n'a pas de sens. Ton ami va te regarder et dire, oh, frère, ça va. Tu as la fièvre. Tu es parti à l'hôpital. Pourquoi? Parce que tu as tout ce qu'il faut pour connecter ton téléphone afin qu'on puisse entrer en contact avec toi. Afin que tout marche bien. Amen. Mais beaucoup d'entre nous, les chrétiens, nous nous laissons décourager si facilement, sans pourtant rester connectés au courant, au power. Amen. Et on se demande pourquoi la vie chrétienne n'est pas à enjoyer. C'est parce que tu n'es pas connecté, mon frère. C'est parce que tu n'es pas branché. Amen. Tu as le chargeur. Give me a Bible. Chargeur. Vous avez le power toujours branché. Il ne coupe jamais. That is God, l'Éternel lui-même. Et c'est gratuit. Et tu es là, à plat, chargeur, courant, et disponible. Disponible. Alors pourquoi, mon frère, tu n'as pas de raison. Il n'y a pas de raison pour que tu sois découragé, à plat, affaibli, déprimé, déçu. Pendant si longtemps, c'est possible que ça arrive un jour, deux jours, mais pas deux semaines, pas deux mois, pas un an. Tu es déprimé depuis ton arrivée au Ghana. Why? Amen. Dis à ton frère, reconnecte-toi ou reconnecte, branche-toi au courant. Amen. Ceux qui se confient en l'Éternel, amen, renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Tu as déjà vu un aigle assis par terre parce qu'il est découragé? Il dit, ok, je vais rester avec les poules parce que je suis découragé. Je vais rester avec les poulets, je vais manger ce qu'ils mangent. Parce que voler là, en tout cas, ça demande trop. Non. Tu penses qu'un aigle n'est jamais faible, il n'est jamais fatigué. Il n'a jamais faim. Yeah. Alléluia. Ils prennent le vol comme les aigles. Et il y a une raison pour être comparé à un aigle. L'aigle, c'est un des oiseaux le plus fort, et puis il monte le plus haut. Amen. Et il y a une raison pour laquelle Dieu nous a comparés avec les aigles, pas avec les poulets. Parce qu'ils sont tous des oiseaux. Ou bien avec une autruche. J'étais au zoo et j'ai vu une autruche. Autruche. C'est aussi un oiseau et c'est grand. Mais à quoi ça sert un oiseau qui ne vole pas? À manger. Amen. C'est pourquoi le diable est en train de nous manger petit à petit. Parce qu'au lieu de grimper et de voler avec les aigles, nous sommes en bas en train de gratter la terre avec les poulets. C'est pourquoi il nous atteint si facilement. Yeah. Tu te demandes pourquoi tu es toujours. C'est parce que tu passes ton temps à chercher les vers par terre. Ton nez dans le sable, dans la saleté, au lieu d'être higher in the spirit. Amen. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Amen. Ils prennent le vol. Tu vas prendre le vol, mon frère. Tu vas reprendre le vol au nom de Jésus. Amen. Et tu vas voler avec les aigles. In the name of Jesus. Alléluia. Il court et ne se lasse point. Hier, les gens ont couru. Ils étaient fatigués. Amen. Ils ont couru. Il y a le berger Jérémie qui voulait que je joue au football. Imaginez cela. What a shock. Est-ce que tu peux imaginer une telle chose? C'est pas gentil. Amen. Il court et ne se lasse pas. Normalement, quand vous courez beaucoup, vous allez être fatigué. Lasse, c'est quoi? Fatigué, isn't it? Normalement, quand tu cours, tu vas être fatigué. Mais la Bible dit que tu vas courir et tu ne seras pas fatigué. Tu as déjà vu, what's his name? Usain Bolt. Quand il court, il n'est pas fatigué. Il court encore. Il est là en train de courir. Il ne se lasse point. Toi, tu fais 100 mètres. Tu vas prendre une heure pour faire 100 mètres d'abord. Et après, tu vas à peine traverser et puis tu vas tomber plat par terre. Amen. Mais la Bible dit que si vous vous confiez en l'Éternel, vous allez courir sans être fatigué. Vous allez courir, mais vous ne vous lasserez point. Amen. Are you understanding my French this morning? Hallelujah. Vous allez marcher, marcher, marcher, marcher. J'ai marché, marché. La Bible dit que vous n'allez pas vous fatiguer. Hey, pourquoi? C'est la magie? Non. C'est juste la connexion. Être connecté. Le fait d'être connecté. La Bible dit que tu vas marcher. Tout le monde va marcher dans cette vie. Tu dois marcher, tu dois courir, tu dois t'exercer, tu dois faire un effort, tu dois souffrir un peu. Mais la différence, c'est que toi, tu ne seras pas fatigué. Amen. Les gens vont se demander, mais tu fais tout ça et tu es toujours en joie. Tu n'as pas d'argent comme moi, mais tu es toujours en joie, tu es OK. C'est comment? Tu dis, c'est la connexion. C'est juste la connexion. Juste la connexion. Amen. C'est pourquoi quand je vois les gens, praise and worship, je vous vois là-bas, vous êtes en train de chanter, nous mener dans la présence. Et vous ne souriez pas. Ça me surprend. Vous chantez comme si vous êtes sur, I don't know. C'est comme si c'était un fardeau. Est-ce que vous avez vu ça? Vous avez remarqué? Qui a remarqué ça avec moi? C'est moi seule. Ou vous avez peur d'eux? Yeah, c'est pas tout le monde, mais certaines personnes. Vous êtes connectés. Il dit, Dieu, il aime les louanges de son peuple. Il aime ça. Il demeure dans les louanges. C'est là où se trouve sa présence. Et comment est-ce que vous pouvez nous mener dans la présence de Dieu et vous êtes... Vous êtes lourd comme ça. Non. Non. From today. Si je vous vois là-bas, il n'y a pas de joie sur votre visage. Je n'ai pas besoin de savoir si vous avez de l'argent ou pas. Je n'ai pas besoin de savoir si vous êtes malade ou pas. Tout ce que je sais, c'est que vous êtes censé nous mener dans la présence de Dieu. Amen. Restez connectés. Restez connectés. Branchés. Amen. Are you with me? Pourquoi vous... Say amen and receive it. Yeah. C'est la même chose pour la chorale. Yes. C'est un privilège de chanter. Vous ne savez pas. Surtout ceux qui vous chantez bien là. C'est un privilège. Certains d'entre nous, nous essayons de chanter. Mais quand on arrive là-bas, c'est un blocage. Yes, c'est un privilège. Alléluia. Confiez-vous en l'Éternel. Vous allez voir que vous serez moins déprimé dans la vie. Connectez-vous, confiez-vous. Dépendez-vous. De l'Éternel. Confiez-vous en l'Éternel. Si vous vous sentez faible, découragé, my friend, il ne faut pas permettre que ça dure plus d'un jour. Il ne faut pas permettre à ce que ça dure plus d'un jour. avant de se coucher la nuit, il faut dire, Seigneur, pardon, je me confie en toi. Ça ne peut pas continuer. Certains d'entre vous, quand vous êtes, vous prenez vos humeurs là. On a même peur de vous saluer. On a peur de vous saluer. I mean, why? De venir dire bonjour. Et puis vous partez. Non, ce n'est pas normal. Vous êtes chrétien. Yeah, chez les non-croyants, les païens, ok. Mais pas chez vous. Yeah. Pas plus d'un jour. Si vous voyez un frère, vous dites, hey, ça fait un jour déjà. Hein? Ça fait deux jours, oh, je compte. Oh. Hey, ça fait trois jours. Ça fait trois jours. Même vous, si vous êtes autour des gens qui vous dépriment, là, il faut bouger. Il dit, frère, excuse-moi. Hein? Ce n'est pas que je ne vous aime pas, mais là, l'atmosphère là commence à me décourager. Hey. Yeah. Parce qu'il y a des gens comme ça, ils vous refroidissent même. Et vous décourage même d'être en bonne humeur. Vous devenez même presque gêné d'être content. Parce que vous êtes dans leur présence, en présence de ces personnes. Are you listening to me? Dis à la personne, pardon, je dois me charger. Je dois me charger. Toi, tu suces l'énergie que j'ai. Je dois me déplacer. Laisse-moi un peu. Laisse-moi un peu me connecter. Amen. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent. Si votre force n'est pas renouvelée, il y a quelque chose qui ne va pas. Après un jour, ça veut dire qu'il n'y a pas de courant. Par la grâce de Dieu, j'ai un iPhone. iPhone 4S. Par la grâce de Dieu. Mais une chose, c'est que ça décharge très vite. Parce qu'il y a trop d'applications. Il y a trop de choses que tu peux faire dessus. Quand je mets ça, les enfants viennent chercher. Oh, mamie, s'il te plaît, mamie, je peux. J'ai dit, ah, ce n'est pas un jouet. Dis, oh, mais mamie, je veux juste. Donc, à cause de ça, ça décharge très vite. Mais par la grâce de Dieu, j'ai aussi un chargeur qui est venu avec le téléphone. Et par la grâce de Dieu, j'ai aussi des prises à la maison. Donc ce que j'ai fait, c'est je connecte et ça se charge. Comme ça, je peux me jouir de toutes les applications. Amen. Je peux profiter de tout ce que... C'est moi qui ne sais pas comment utiliser le iPhone 4. Avec Siri et tout ça. Tu pars, tu dis, appelle révérend Christian. Et puis, le téléphone dit, appelle révérend Christian. Et puis, il cherche le numéro, il commence à... Hey, come on now! Amen! Ça, c'est iPhone 4S. Mais à quoi ça sert, avoir un iPhone 4S, avoir le chargeur, avoir le courant, et puis regarder le téléphone et dire, c'est à plat. Non. Mon frère chrétien, 24 heures ne doit pas dépasser, ne doit pas, whatever, dépasser votre humeur, mauvaise humeur là. 24 heures, c'est trop. Yeah. Confiez-vous en l'Éternel. Amen. Pour renouveler votre force. Votre force se trouve dans l'Éternel. Dans l'Éternel. Pas dans votre frère. Tu as un frère qui est sanguin, un pingouin. Et puis tu dis, viens chez moi, j'ai envie de rire. Non! Il y a certaines personnes qui n'aiment pas être dans leur propre compagnie. Ce n'est pas normal. Il y a des gens qui n'aiment pas être seuls. Ce n'est pas normal. Ça, je vous dis. Oh, mais lady pasteur, moi, je suis mélancolique. J'aime être seul. Ce n'est pas normal. Moi, j'aime être seul. Mais j'évite d'être seul parce que vite, facilement, tu tombes dans votre dépression. You need sanguine people. Mais il faut aussi apprendre à vivre seul, à vivre et à apprécier votre propre compagnie. Il y a des gens qui ne veulent pas rester à la maison, toujours en train de chercher un endroit où aller, quelqu'un visiter. Parce que tu ne sais pas comment être seul et apprécier la solitude. Amen. Tu peux être seul, mais ne pas être déprimé. Moi, j'aime être seul. J'aime la solitude. Mais parce que j'ai des choses à faire, c'est là où je peux lire, écouter la musique sans être interrompu. Je peux juste méditer. Je peux juste être dans la présence de Dieu. Mais il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à être seules. Ça aussi, ce n'est pas bon. Amen. Parce que s'ils sont seuls, ils vont se déprimer. Entrer dans la dépression. Amen. Confiez-vous en l'Éternel. Vous allez renouveler votre force. Amen. C'est l'Éternel. Vous avez besoin seulement de l'Éternel. Amen. Seulement de l'Éternel. C'est là où vous allez retrouver votre force. Amen. Vous ne serez plus fatigué. Vous allez voler comme les aigles. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Hallelujah. Oh, my time is up. I've not even started my message. Amen. Amen. Praise and worship. À cause du message, vous êtes déprimé. À cause du message, vous êtes découragé. Dieu, ah, il ne sait pas. On répète depuis. On répète, on est fatigué. On est venu depuis 4 heures du matin, ne sait même pas. Et puis elle nous critique devant les gens comme ça. Et puis la dépression commence. Non. À partir d'aujourd'hui, c'est fini, oh. C'est fini. Hein? Ok. Clap for praise and worship. Amen. Hallelujah. Efforcez-vous. Amen. Je ne vais pas mentionner les noms des gens qui me... Parce qu'il y a certains qui sont connectés et branchés. Mais il y a certaines aussi qui ne sont pas souvent, branchés, connectés. Amen. Hallelujah. Powerful. Ephésiens 6, et on va terminer. On va continuer la semaine prochaine. Ephésiens 6, verset 10. Ça, c'est le message. Ça, c'était seulement l'introduction. I'm sorry. Ephésiens 6, verset 10. Je parle de renouveler votre force. Hallelujah. Au reste, mes frères. OK, let me go back. Let me go to King James. Louis II, sorry. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Amen. Encore dans le Seigneur. Votre force se trouve où? Dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Votre force se trouve dans le Seigneur. Amen. Vous ne devez pas chercher votre force ailleurs. Et par sa... Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Wow! Déjà, sa force est puissante. Mais on dit que sa force est toute puissante. Tout puissant. It's too powerful. Toute puissante force. Tu cherches la force où encore? Une force qui est toute puissante. Ça veut dire qu'il n'y a pas plus fort. Amen. Et l'Éternel qui a la force toute puissante est là. Il est là. C'est comme l'électricité est là. Mais c'est toi qui dois te brancher. Il ne viendra pas prendre votre chargeur pour connecter. C'est toi. Do you understand what I'm saying? Donatien, do you understand what I'm saying? Si tu dois être connecté, toi, toi-même, si vous voulez être fort spirituellement, c'est toi qui dois te connecter. La Bible dit que si tu t'approches de Dieu, il s'approchera de toi. C'est toi qui dois faire le premier pas. Il a déjà tout fait. Il a déjà tout fait. C'est comme un homme qui a demandé la main d'une jeune fille, elle a dit, je veux t'épouser. Il dit, ok, laisse-moi réfléchir. Il dit, ok. Maintenant, c'est à qui de faire le... C'est à qui de parler maintenant? C'est à qui de parler maintenant? La fille! Mais imaginez, la fille est là, elle dit, oh. Il a dit qu'il voulait m'épouser, mais il ne dit plus rien. Oh! Mais il ne dit plus rien, il doit dire quoi encore? Parce qu'il est là, il n'a pas changé d'avis, il est là. Il t'attend. Et Dieu nous attend. Dieu nous attend. Il est là. Quand il dit, approche-toi de Dieu, et il s'approcha de toi, ça ne veut pas dire qu'il est loin. Ça veut dire qu'il n'a pas, il n'a pas changé de place. Il n'a pas changé de place. C'est comme le pupitre. Le pupitre est là. Si je dois avoir accès au pupitre, c'est moi qui dois m'approcher du pupitre. Et alors que j'approche, le pupitre aussi s'approche de moi. Maintenant, nous sommes proches l'un de l'autre. Do you understand? Dieu ne bouge pas. Il dit, je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je ne change pas. Je ne change pas. Si j'ai dit oui dans le passé, le oui est toujours oui. Si j'ai dit non dans le passé, le non est toujours non. Je ne change pas. C'est à toi maintenant de t'approcher de moi si tu veux recevoir quelque chose. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc si vous êtes faible aujourd'hui, mon frère, peut-être tu dois juste allumer, juste mettre. Yeah. Switch on the light. Switch on the courant. Alléluia. Confiez-vous en l'Éternel. Alléluia. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Pas ailleurs. Pas à côté du Seigneur. Dans. Impliquez-vous. Impliquez-vous. Vous venez à l'église, mais vous n'êtes pas du tout impliqué. Vous n'êtes pas du tout impliqué. Vous ne participez pas. Vous écoutez seulement et vous partez. Vous laissez de côté la parole de Dieu. Vous n'êtes pas impliqué, vous n'êtes pas dedans. Vous n'entrez pas dans la parole. Vous ne méditez pas la parole. Vous ne cherchez pas la parole pour vous-même. Vous ne cherchez pas à savoir ce que c'est. Il y a beaucoup de gens qui sont déprimés, qui sont tristes. Et quand je demande, mais est-ce que tu fais ton quiet time? On me regarde. C'est la première question que je pose. Quand quelqu'un vient dire, oh, Lady Pastor, j'ai fait des rêves, j'ai des problèmes. Est-ce que tu... Parce que quand je demande, est-ce que tu pries, ils vont dire, oui. Oh oui, je prie, je prie. Est-ce que tu fais ton quiet time? Ils sont calmes. Ils ne parlent plus. Amen. La prière est bonne. C'est bon, il faut prier. Mais mon frère, votre force se trouve... Dans le Seigneur, dans le Seigneur, dans la parole. Au commencement était la parole. La parole était... Donc la parole est Dieu. Si tu veux être en Dieu, tu dois être dans sa parole. Comment est-ce que vous allez trouver la force si vous ne méditez pas la parole? Vous ne lisez pas la Bible. Vous ne lisez pas la Bible. Et quand vous lisez, c'est comme moi. Vous ne comprenez rien. Prenez le temps de méditer. Parfois, les mercredis, on essaie de montrer comment ça se fait, méditation. Vous lisez, vous vous posez des questions. Vous lisez, vous essayez de comprendre. Vous cherchez des synonymes. Vous cherchez des... Antonyme. Vous cherchez à comprendre. Cherchez à comprendre. Méditez. C'est comme ça que tu peux entrer dans la parole et entrer dans le Seigneur pour renouveler ta propre force. Amen. Quand vous méditez, ce n'est pas pour Dieu. Ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour Révérend Bishop. Amen, c'est pour vous, c'est pour toi. Amen, c'est pour votre propre force. Alléluia. Apprenez à entrer. Vous savez nager. Vous savez plonger. Plongez-vous dans la parole. On ne plonge pas avec les pieds. Ça, c'est sauter. Plongez-vous la tête d'abord. Inside. Inside. Soak it in. Laisse la parole de Dieu vous imprégner. Inside and out. Amen. Certains d'entre vous, on se lave avec la parole. Ça reste à l'extérieur. Ça n'entre pas. Il y a certaines personnes qui lisent la parole, ils lisent seulement. Si je demande, tu as eu ton quoi? Oh oui, oui, oui, oui. Ouais. Les Suisses disent, ouais. Oui, j'ai fait mon quiet time. Mais est-ce que la parole est entrée inside, dans le Seigneur? Are you inside the word or you are outside the word? Alléluia. Vous êtes faible. La solution, c'est d'entrer. Entrer dedans. Amen. Apprendre à lire. Ne dormez pas. Je suis presque sur le point de finir. Je vous vois. Yeah. N'écoutez pas en fermant les yeux. Il ne faut pas dire que je médite tes paroles. Non. Je ne suis pas Dieu. Il ne faut pas méditer. Non, il ne faut pas méditer lorsque je suis en train de vous parler. Ouvre les yeux. Non, il ne faut pas faire le quiet time alors que je suis en train de vous parler. Ouvrez les yeux et puis regardez-moi. J'aime le contact. OK? Ne fermez pas les yeux. Alléluia. La parole est Dieu. Et c'est comme ça Dieu peut nous parler. Et c'est comme ça qu'il nous parle. C'est bien d'écouter les messages, mais c'est encore mieux de lire la parole pour toi-même. Et de comprendre quelque chose. C'est pourquoi je dis souvent aux gens, même si c'est un verset, personne ne vous poursuit. Il n'y a pas d'examen. On ne vous chasse pas. On ne vous poursuit pas. Tu n'es pas. Pourquoi tu es pressé? Tu veux finir? Oh, je veux finir la Bible en un an. Et pourquoi? Pourquoi? Il y a quelqu'un qui va reprendre la Bible? Non. Donc prenez le temps. Même si c'est un verset. Amen. Si vous ne comprenez pas, dites Seigneur, je ne comprends pas. Il faut que je comprenne avant que j'avance. Donc, vous appelez quelqu'un. Le berger, j'ai lu ça et je ne comprends pas. Si la personne aussi ne comprend pas, vous allez essayer de méditer ensemble. Apprendre à comprendre. Amen. Entrez dans la parole si vous voulez renouveler votre force. Amen. Alléluia. C'est le seul moyen. Je ne connais pas d'autres moyens. Il n'y a pas d'injection. Il n'y a pas de perfusion. Il n'y a pas de sérum, baguette magique, pas de comprimé. Amen. C'est juste la parole. Confiez-vous en l'Éternel et fortifiez-vous dans le Seigneur. Dans le Seigneur. In it. Tu dois entrer dans la parole et la parole doit entrer en toi. It is important, my brother. Le monde est fait pour nous déprimer. Quand tu allumes la télé, les informations font du début à la fin. La guerre en Syrie, la guerre, je ne sais pas où, les tempêtes, où, les ouragans, whatever. Tremblement de terre, malnutrition en Somalie. Inondation en Philippines. Ras de marée, où c'est? Vous ne savez pas, ok. Mais quelque part, en Haïti. Tsunami au Sénégal. Yeah, quand tu allumes la télé, from beginning to end, quand est-ce la dernière fois que tu as entendu des bonnes nouvelles à la télé, durant les informations? La dernière fois? Oh, nobody. Yeah. Il n'y a pas. C'est récemment, il y a peut-être 3 ou 4 mois que j'ai vu à la télé BBC News, ils parlaient de Azonto. C'était une information, ils ont dit, il y a une nouvelle danse au Ghana, donc quelqu'un est venu. I said, ah! Donc c'est la seule information qu'ils ont cherché à trouver au Ghana. Azonto. Et puis il y a quelqu'un qui dansait. I said, oh! BBC, vous connaissez BBC? Azonto International. Yeah. Mais sinon, si vous allumez la télé, from beginning to end, it's all bad news. Donc, si vous voulez vous confier dans le monde, mon frère, tu seras déprimé et découragé. Alléluia. Confiez-vous en l'Éternel pour pouvoir renouveler votre force. Amen. Fortifiez-vous, fortifiez-vous, fortifiez-vous dans le Seigneur. C'est là où vous allez trouver votre force. C'est comme ça que vous pouvez être fort. Alléluia. Seulement si vous êtes dans le Seigneur. Amen. Are you with me? Si vous comprenez quelque chose ce matin, amen. Votre force se trouve dans le Seigneur. Et il est là. Connectez-vous seulement. Hey, connectez-vous seulement. Amen. Oh, why are you laughing? He's not asleep. Oh, Patrick, c'est comment? Il embête Ellie. Pourquoi? Hallelujah. Hallelujah. Amen. Aujourd'hui, c'est le dernier jour où vous allez être déprimé et découragé. Pour plus de 24 heures. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Say amen. Hallelujah. Yeah. Yeah. Si vous ne savez pas comment sourire, vous allez apprendre. Vous allez apprendre. Vous allez vous mettre devant le miroir. Vous pratiquez les différents genres. Il y a différentes sortes de sourires. Tu peux sourire comme Patricia, tu ne montes pas les dents. Tu peux sourire comme Fabienne, tu montes les dents. Il y a beaucoup de différentes manières de sourire. Amen. Donc, entraînez-vous. OK? You teach them. Yeah. Yamako, j'ai entendu ton nom. Yeah. C'est important. Si vous êtes à côté de quelqu'un qui est déprimé, tu as remarqué qu'il est calme depuis hier. Il dit, hey, frère. Frère, 24 heures. Oh. Je n'ai pas vu tes dents depuis 24 heures. Encouragez-vous les uns les autres à être contents et à être dans la joie, à être dans le Seigneur. Et laissez-vous être encouragés. Il ne faut pas refroidir les gens. Quand ils viennent, ils font une blague, tout le monde rit. Il faut que tu sois sérieux de temps en temps. Hein. Est-ce que j'ai mentionné ton nom? Alors pourquoi tu mentionnes le nom de quelqu'un? Yeah! Alléluia. C'est dans la what is that song? La joie du Seigneur. Non. Is there a song like that? Hey! Ça, c'est quel clé, ça? What key is that? O majeur. O. Do majeur. There's a song like, in English, we have a song like that. The joy of the Lord. Yeah. There's another song. Amen. Votre force se trouve dans le Seigneur. Je ne sais pas, j'ai tout parlé juste pour dire ça. Votre joie, votre force. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Par sa force toute puissante. Amen. Par sa force toute puissante. La semaine prochaine, nous allons regarder encore comment les principes pour devenir fort. Ça, c'est juste la première chose. C'est que vous devez être connecté dans le Seigneur. Inside the Word. Amen. Inside the Word. Inside the Word. And you will be blessed. Hallelujah. Je vais juste vous donner un verset. Et puis nous allons partir d'ici. Amen. Wow. Ésaïe 61 et le verset 3. Amen. Are you there? Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Amen. Soulignez cette phrase dans votre Bible. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Pour combattre l'esprit abattu, et être abattu, c'est un esprit. C'est un esprit envoyé par le diable lui-même. C'est un mauvais esprit. C'est un démon. Amen. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? C'est écrit là-bas, un esprit abattu. C'est un esprit. Amen. C'est un esprit. Alléluia. Et pour combattre cet esprit abattu, qu'est-ce qu'il vous faut? Quoi? Quoi? Quoi? Exactly. Donc, prison worship. Vous devez être les personnes qui sont les moins abattues du monde. Parce que vous êtes toujours en train d'apprendre des louanges, l'adoration. Vous êtes toujours en train, les chorales, en train d'apprendre les chants. Ça, c'est pour combattre l'esprit abattu et la louange. Amen. Hallelujah. Do you understand what I'm saying? Yeah. Pour combattre le deuil ou la tristesse, c'est la joie. You have to put it on. La louange, c'est un vêtement que vous devez mettre. Alléluia. Vous êtes en train de louer Dieu. Vous êtes dans sa présence. Yes. Seigneur, je renouvelle ma force. Je renouvelle ma force. Je deviens fort. Je deviens plus fort. Je deviens encore plus fort. Je deviens encore plus fort. Amen. Alors que je renouvelle cette force, je peux accomplir encore plus de choses. Amen. Alléluia. Et je serai une bénédiction à ceux qui sont autour de moi. Alléluia. Amen. Nous devons marcher dans la victoire. Amen. Fini l'esprit de dépression, déprime. Abattement, is this a word? I don't know. Découragement, c'est fini. C'est fini. Amen. Et avançons dans le Seigneur. Il y a des grandes choses qui nous attendent. Amen. Et il y a des choses que nous devons accomplir pour le Seigneur. Alléluia. Je sais qu'ensemble, nous allons nous encourager, nous fortifier les uns les autres pour pouvoir accomplir de grandes choses. Au nom de Jésus, levez-vous. Alléluia. Amen. God bless you. Merci Seigneur, merci Seigneur. Commencez à remercier le Seigneur pour sa parole. Commencez à remercier le Seigneur pour cette parole d'encouragement. Remerciez Dieu, ouvrez la bouche, parlez. Quand je dis parler, il faut parler. Amen. Parce que Dieu est fidèle. Amen. Seigneur, merci. Merci Seigneur pour ces moments passés dans ta présence. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous fais d'écouter des messages qui nous encouragent, qui nous fortifient. Seigneur, nous allons entrer encore et encore plus dans ta présence. Nous allons aimer ta parole. Nous allons trouver notre force en ta présence. Seigneur, nous te bénissons, nous te remercions pour ce privilège de te connaître. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole, Seigneur. Oui, Seigneur, nous te bénissons. La joie du Seigneur. Si tu es ici ce matin et tu ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ personnellement, tu es venu, tu as entendu la parole et tu sais, tu as remarqué que tu n'as même pas un goût, une goutte, pardon, de cette joie dont ils sont en train de parler. Tu ne sais même pas comment entrer dans la présence de Dieu parce que tu n'as pas de relation personnelle avec lui. Et tu veux savoir comment l'avoir, ce qu'il faut faire pour être un chrétien qui apprécie la parole et qui aime la parole. Aujourd'hui, tu veux dire, Lady Pastor, prie pour moi. Je veux connaître Dieu personnellement. Je veux savoir ce que c'est entrer en relation avec Dieu. Je reconnais qu'il y a quelque chose qui me manque. Je n'ai pas cette relation. Je ne suis pas née de nouveau. Je ne sais même pas si j'irai au ciel quand je meurs. Si tu es là comme ça, je veux prier pour toi. C'est Dieu qui a permis que tu sois là aujourd'hui. Ne ratez pas cette opportunité d'entrer en relation avec lui. Tu veux que je prie pour toi. Tu veux dire, Lady Pastor, prie pour moi. Je veux connaître le Seigneur. Je veux être né de nouveau. Je veux donner ma vie à Jésus. Je veux qu'il entre dans ma vie. Je veux qu'il soit maître de ma vie. Lève la main, je veux prier pour toi. Tu veux donner ta vie à Jésus. Merci, je vois les mains derrière. Tu veux donner ta vie à Jésus aujourd'hui et tu veux dire, Lady Pastor, prie pour moi. Je veux savoir plus. Je veux connaître. Je veux savoir comment me jouir d'une relation avec Dieu personnellement. Lève la main. Si tu as levé la main, je veux prier pour toi. Mon frère derrière là-bas, viens devant. Viens, je veux prier pour toi. Merci. Mets-toi ici, je veux prier pour toi. Oh, merci. Je veux prier pour toi. Tu veux avoir une relation personnelle, une vraie relation, où tu peux te confier en l'Éternel. Il y a quelqu'un encore qui veut venir. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un encore? Non. Ceux qui sont devant, nous allons prier ensemble. Répétez après moi et ceux qui sont dans l'assemblée, priez avec nous. Amen. Dites avec moi, Seigneur Jésus, merci pour ton message. Ce matin, je reconnais que je ne te connais pas vraiment et je n'ai pas de relation avec toi. Mais aujourd'hui, Seigneur, je prends une décision de te laisser le contrôle de ma vie. Pardonne-moi, Seigneur, pour toutes mes erreurs, pour toutes les fois où je t'ai mis en deuxième place. Aujourd'hui, Seigneur, je veux que tu prennes le contrôle de ma vie. Pardonne mes péchés. Lave-moi et purifie-moi. Aujourd'hui, Seigneur, je me confie en toi. Pardonne-moi, Seigneur. Satan, écoute-moi. Et écoute-moi bien. J'appartiens à Jésus-Christ. J'appartiens à Jésus-Christ. Je ne t'appartiens plus. Et à partir d'aujourd'hui, Jésus-Christ est maître de ma vie. Et il est le Seigneur de ma vie. Seigneur Jésus, merci. Merci de m'avoir pardonné. Change ma vie, Seigneur. Change mon avenir, Seigneur. À partir d'aujourd'hui, je marcherai avec toi et je te suivrai. Seigneur, merci de m'avoir accepté. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, amen. Seigneur Jésus, merci pour ces trois merveilleuses personnes qui ont pris une décision ce matin de te donner le contrôle de leur vie. Seigneur, bénis-les. Change, Seigneur, leur destin. Pardonne-les, Seigneur. Efface, Seigneur, toute iniquité, tout péché qui est devant ton trône, les concernant. Et Seigneur, ouvre une nouvelle page avec leur nom dessus. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, ils sont tes enfants. Bénis-les et fortifie-les par ta parole et par ton Saint-Esprit. Merci encore, Seigneur, pour la victoire qui est la leur. Au nom de Jésus. Amen. Amen.